parole et langage, oui, sont, avec ce discours, au centre de ces écrits qui sont ceux d'un psychanalyste. J'ai été appelé par les conditions difficiles qu'a rencontré le développement de cette pratique en France, à y prendre une position qui est une position d'enseignement. Cette position part des faits, et pour cela, il a fallu qu'elle y retourne. Des faits, cela veut dire des faits examinés pour voir en quoi ils consistent. Autrement dit, des faits scientifiquement établis. Même sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des faits ce qui ne fut longtemps que rebuts purs et simples, ce qu'on appelait les actes manqués. De même, pour ce qui s'était réduit à la portée d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de revers de manche, les rêves. Remarquons que tout le monde sait le nom de Freud grâce à qui notre idée des choses s'est ainsi complétée. On soupçonne encore que, pour le mot d'esprit, il a apporté quelque chose qui ne permet plus d'en considérer l'effet de rire comme futile. Que le mot d'esprit est devenu un fait digne d'une considération autre que purement philosophique. Sur quoi ce changement repose-t-il ? Pourquoi mépriser l'astrologie? Ne pas inventer la graphologie? la pratique sexuelle de l'être parlant. Aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Et justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu naturel. D'une harmonie analogique qui s'originerait de ceux du spermatozoïde et de l'ovule paraît simplement grotesque à ceux qui savent tout ce qui s'étage de fonctions complexes et de questions irrésolues entre ces deux niveaux d'une polarité, la polarité du sexe dans le vivant, qui représente en elle-même peut-être l'échec du langage.